Slimane. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Les avocats burundais ont l'attitude de défendre des causes des ressortissants des pays membres de la communauté est-africaine. Assurance donnée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura ce jeudi lors d'une session de l'East African Law Society. Le Burundi a célébré la journée mondiale du don de sang, l'occasion pour la ministre de la Santé de sensibiliser les responsables des services de transfusion sanguine au respect des normes en cette matière. Et certains députés considèrent que certains secteurs du pays, comme celui de l'éducation, sont négligés dans le budget général de l'État. Ils trouvent qu'un crédit d'un peu plus de 130 millions seulement alloué à la rubrique fourniture scolaire et pédagogique n'est pas du tout suffisant. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ce journal est mis en onde par Chancela Mugisha Wiman. Les responsables des services de transfusion sanguine sont appelés à respecter les normes et directives nationales en matière de transfusion sanguine en vue de produire du sang sécurisé. Déclaration faite ce jeudi par la ministre burundaise de la Santé publique à l'occasion de la célébration à Muyinga de la Journée mondiale des donneurs de sang qui habituellement intervient le 14 juin. Dr Sylvie Nzeyimana appelle les Burundais à s'imprégner de ce geste humanitaire de don de sang. On l'écoute. La Journée mondiale des donneurs de sang est une occasion de rendre un vibrant hommage aux vaillants donneurs de sang volontaires et bénévoles pour leur solidarité et leur engagement à sauver de nombreuses vies. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elle joue aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant et lors des interventions d'urgence. J'invite les responsables des services de transfusion sanguine et les utilisateurs des produits sanguins à respecter les normes et directives nationales en matière de transfusion sanguine en vue de produire toujours du sang sécurisé et l'utiliser de façon rationnelle dans l'intérêt des malades et de toute la population burundaise. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. Pour notre pays, cette journée sera célébrée ce jeudi 15 juin 2023 à l'École technique de gestion de Mukoni en province Muyinga. Je lance un appel à un plus grand nombre de personnes à donner régulièrement et bénévolement leur sang afin de répondre à tous les besoins en sang de nos hôpitaux. Docteur Sylvie Nzeyimana, ministre burundaise de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Certains députés considèrent que certains secteurs du pays sont négligés dans l'objet général de l'État. Les inquiétudes portent notamment sur le secteur de l'éducation. Le nouveau projet de loi adopté lundi par l'Assemblée nationale a octroyé un crédit d'un peu plus de 130 millions à la rubrique « Fourniture scolaire et pédagogique ». Le ministre des Finances a expliqué aux élus du peuple que le pays a beaucoup de besoins et que donc tout ne peut pas être pris en compte en même temps. Alain Désiré Boukayenez. Les élus du peuple s'inquiètent comme quoi certains secteurs ne sont pas prioritaires dans le budget alors qu'ils sont de croissance économique. Ils considèrent que négliger tel secteur va à l'encontre de la vision Burundi émergent en 2040, Burundi développé en 2060. Honorable Agathon Rwasa évoque ici la santé et l'éducation. Les citoyens en bonne santé se donnent corps et âme dans le développement du pays. Octroyer à ce secteur 500 millions seulement, alors que dans d'autres, les crédits s'élèvent en termes de dizaines de milliards. L'éducation est la clé d'autres secteurs. Donner à la rubrique frontière scolaire et pédagogique 131 millions, c'est un crédit dérisoire. Le ministre des Finances indique que le gouvernement a voulu prioriser le secteur de l'agriculture, mais que certes l'éducation n'a pas été oubliée. Le gouvernement a mis en avant cette année tout ce qui est lié à l'agriculture. Le secteur de l'éducation n'a pas du tout été négligé. Aussi, dans certaines périodes, les lauréats voulant embrasser les études à l'université du Burundi devraient atteindre une année. Pour le cas présent, nous voulons que les promotions soient combinées. En ce qui concerne le secteur de la santé, Audace Nyonzima a expliqué aux députés qu'au budget prévu s'ajoutent les fonds octroyés par les bailleurs de fonds dans ce secteur. Le budget général de l'État, exercice 2023-2024, s'élève à près de 4 000 milliards de francs burundais. Et selon le ministre des Finances, les recettes et dons s'élèvent à plus de 3 000 milliards, alors que le déficit global du budget s'élève à plus de 720 milliards de francs burundais. Alain Désiré Boukeyeneza est dans son analyse le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Estime que le projet de budget général de l'État exercice 2023-2024 est irréaliste en matière de développement économique. Il a déclaré ce jeudi dans une conférence de presse. Gabriel Oufiri a expliqué que dans ce projet de loi, le budget de fonctionnement est supérieur au budget d'investissement, d'où beaucoup de projets sont ceux de consommation. Il recommande ainsi la révision de ce projet de loi de budget général en injectant un gros budget dans les projets qui augmenteraient la croissance économique. Il donne comme exemple le tourisme, les cultures industrielles et d'autres. Suivez plutôt les explications du président de l'OLUCOM, Gabriel Rofsiri. Le budget d'investissement va augmenter 33% au moment où le budget de consommation va augmenter près de 70%. Donc, c'est-à-dire 68,9%. Vous comprenez que ce budget n'est pas un budget de développement. Ce n'est pas un budget vraiment qui va stimuler la croissance économique. Quand vous regardez les projets d'investissement qui sont mis dans le budget, la plupart de ces projets, ce sont des reports. Ce sont des projets que les budgets n'ont pas été utilisés l'année en cours pour mettre ces budgets dans l'exercice budgétaire 2023-2024. C'est vraiment normal que ce budget ne soit pas un budget qui va aider le président à arriver à son objectif. C'est extrêmement important que ce budget soit vraiment retourné à l'Assemblée nationale pour l'étudier, ou tout au moins, si cela n'est pas possible, le Sénat puisse refaire en collaboration avec l'Assemblée nationale pour que certaines choses puissent changer. Mais aussi, il y a une autre possibilité. En s'appuyant à l'article 182.3 et 4, le président de la République, s'il voit qu'il y a, ça ne va pas, dans le budget voté par le Parlement, il peut décréter l'utilisation d'un douzième du budget précédent pour que le budget soit étudié minutieusement. Cette volonté du chef de l'État est louable de quitter le budget moyen vers le budget programme. Un budget programme est bâti sur d'abord des programmes minutieusement étudiés, des objectifs minutieusement définis, sur des actions et d'activités minutieusement étudiées, avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs minutieusement étudiés, parce que les indicateurs aussi on les étudie. Il y a des spécialistes pour ça. Il doit y avoir des spécialistes qui connaissent bien ce genre de planification. Gabriel Oufiri, président de l'OLUCOM, commentant le budget général de l'État, exercice 2023-2024. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les avocats burundais peuvent défendre un client dans notre pays, membre de la communauté est-africaine. Assurance donnée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura ce jeudi lors d'une session de l'East African Law Society. Maître Jean de Dieu Mouzengue fait savoir que les avocats burundais affichent un engouement de rejoindre cette communauté des avocats, évoquant comme défi la langue anglaise. Des formations allant dans ce sens sont organisées, ajoute Maître Mouzengue. C'est une famille qui se crée et qui se renforce. C'est une famille qui est déjà là, la famille des avocats de l'Afrique de l'Est. Cette famille doit se renforcer par des liens qui continuent à se nouer et même à se renforcer. Et ce renforcement des liens des avocats de l'East Africa Community se fait au niveau des rencontres qui sont organisées dans différents pays de façon rotative. Aujourd'hui, donc au mois de novembre cette année, ce sera le autour du Burundi. Ces avocats vont se réunir, non seulement pour se tisser des amitiés entre eux, des réseautages entre eux, parce que vous savez, les avocats burundais, par exemple, connaissent le droit applicable, le droit positif burundais. Si je donne un exemple, le droit des personnes de la famille qui s'applique au Burundi est complètement différent du droit des personnes de la famille qui s'applique dans notre pays de l'East Africa. Comme les avocats burundais ne sont pas formés sur les droits positifs des autres États, il faut qu'il y ait un réseautage, une coopération, une unité entre les avocats qui, lorsqu'ils ont une affaire à plaider dans l'un des pays membres de l'East Africa Community, il y ait un autre avocat de l'autre pays qui puisse vous apporter un secours quant à la connaissance du droit applicable dans ce pays ou bien quant à la procédure. L'avocat burundais n'aura pas besoin même de faire des déplacements pour aller dans d'autres pays pour plaider. Il pourra recourir au service de ses confrères, des autres avocats de ces pays membres de l'East Africa Community, quitte à ce que cet avocat plaide et vous vous entendez sur la manière de partager les honoraires. Ce sera un travail qui est assoupli. Cette rencontre vise donc à créer un réseautage, une association, une famille unie et une collaboration étroite entre les avocats membres de ces pays faisant la communauté de l'East Africa. Il y aura également des échanges d'expériences. Il y aura également une formation des avocats. Lorsqu'il y a une assemblée générale pareille, on organise des activités, on organise des formations. Et même s'il s'agit d'une connaissance ou d'une découverte par les autres avocats ressortissants des autres pays qui viennent ici au Burundi. Maître Jean de Dieu Mouzengue, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bujumbura. Deux hommes de la commune Ouhiga en province Karoussi ont été retrouvés morts, l'un sur la colline de Gisenyi, sa colline natale, et l'autre était suspendu dans son étable sur la colline Ouhinyuza. Les administratifs locaux le confirment, mais les sources sur place parlent de règlement de compte. Huit personnes ont été arrêtées par la police à Gisenyi pour enquête. Les détails avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumié. Nkurunziza Ismail a été tué à coups de gourdin et pierre à sa colline de Gisenyi de la commune Buhiga en province Karoussi, mais les malfrats n'ont pas été identifiés, comme l'indique le chef de colline. Celui-ci informe que c'était vers 19h de la soirée de ce mercredi vers jeudi que cela s'est passé. Des sources sur place et confirmées par l'administration sur place indiquent que cet homme avait bénéficié d'une liberté provisoire vers la fin de l'an passé 2022 à la prison centrale de Gitega, où il venait de passer presque 2 ans. Et de là, les habitants sur place parlent d'un règlement de compte. Il signale que l'individu n'était pas aussi vu de bon œil à cette colline suite à l'infraction d'assassinat des personnes d'une même famille, une infraction qui était portée contre lui pour être emprisonné. Le deuxième homme est retrouvé mort, Ndouarugira François, son corps retrouvé suspendu sur le toit de son étable à la maison à l'aide d'une corde près des enceintes de la paroisse catholique de Karoussi au chef-lieu de la province. C'est son fils qui se réveillait le matin de ce jeudi pour aller traire la vache et qui a été surpris par le corps de son père suspendu dans la même étable. Certains des habitants sur place parlent d'un suicide. Confirmé par la police, 8 personnes de la colline Gisenyi ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Et la circulation des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais pose toujours problème dans différents marchés de la province de Bubanza, puisque certains commerçants obligent leurs clients à consommer tout le montant. Sinon, ils se voient refuser la remise en petite coupure, même quand c'est nécessaire. Et dans les banques et microfinances, les nouveaux billets ne sont pas suffisants, comme a pu le constater notre correspondante Space Caritas Cavagnana. Les clients qui se rendent au marché pour s'approvisionner ont des problèmes quand ils ont un billet de 10 000 francs ou un billet de 5 000 francs. Ils disent que les commerçants n'acceptent pas ces anciens billets et si certains les reçoivent, ils obligent aux clients d'acheter des produits équivalents à tout le montant, 10 000 francs ou 5 000 francs. Le reste n'est pas donné, même si vous achetez un petit savon de 500 francs. De leur côté, les commerçants expliquent qu'ils n'acceptent pas ces billets car ils n'ont pas où les mettre. Certains n'ont même pas de compte en banque. Et les clients et les commerçants demandent à l'État de disponibiliser les nouveaux billets afin que ce problème soit résolu. Au niveau des banques et microfinances, Les nouveaux billets y arrivent en nombre très limité et se terminent vite avant que tous les demandeurs ne soient servis, selon certains demandeurs contactés. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.